بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 58 بعد المئة. 158 لسون. في السؤال 48 و400 و1000 1448 question. هل يجدي الوالد أو الولد والده؟ Est-ce qu'il est possible que l'enfant puisse rendre le droit total à son père, c'est-à-dire qu'il lui rendit ce qu'il lui devait? Et cela n'est pas possible. Hormis dans une situation, dans un cas, qui est-elle? Un Abi Hurayra, radiallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. Qu'il est dit qu'un enfant ne saura jamais compenser ce qu'un père, le droit de son père. D'accord? Hormis dans le cas où le trouverait esclave, qu'il l'achèterait pour par la suite la franchir, apporté par musulman. Il n'y a que dans ce cas-là, selon quoi que tu fasses pour ton père, quoi que tu fasses auprès d'Allah Azzawajal, tu ne lui auras jamais rendu son droit pleinement, du fait que tu puisses par la suite dire « c'est bon, j'ai rendu mon droit à mon père ». Cela n'est que dans le cas où tu le libérerais, s'il avait été un esclave. Et en cette époque-là, vous savez, il n'y a pas d'esclave. عموما ثم قال في السؤال 49 و 400 و 1000 question. ما حكم لعن الوالدين؟ Qu'en est-il maintenant de maudire ou d'insulter les parents? Que cela bien évidemment c'est haram. Déjà le minimum, comme قال تعالى ولا تكن لهما أوفا ولا تنهرهما. Ne leur dis pas comme on dirait, ne souffle pas sur eux et ne le rejette pas. Alors qu'en est-il de les insulter? Comme dans le hadith d'Abu Huraira, quand Rasulullah au hadith Ali radiallahu anhu, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la'anallahu man la'ana walidayhi, que Allah maudit celui qui aura maudit ses parents et qu'ils auront insulté. Bien la'an, ma'ana le fait d'insulter, le fait de maudire, apporté par muslim. Quand bien même il serait des koufars qui sont vivants, tu n'as pas à les maudire ni à les insulter. Et parmi les formes d'insultes qu'on puisse faire à ses parents, comme cela vient dans le hadith à Amr ibn al-As, lorsqu'il a dit min a'zam al-kaba'ir an yasub rajul walidayhi. Il dit parmi les plus grands des péchés qu'il puisse avoir que la personne se mette à insulter ses parents. Et les gens vont dire comment une personne pourrait-elle insulter ses parents? Il dit fa yasub aba rajul wa ummahu fa yasub rajul abahu wa ummahu. Que la personne se mette à insulter le père d'autrui ou sa mère. Donc celui-ci se mettra à répondre en insultant ses propres parents à lui. Donc il aura causé l'insulte de ses parents. Et ça c'est une chose qui est très fréquente en cette époque, où que les gens ils se passent le temps à insulter les mères, à insulter les pères. Et là je vise principalement les musulmans. D'accord? Les musulmans, les petits jeunes qui traînent, les petits délinquants, tout ça. Dont le but est de trouver l'insulte la plus offensante, la plus... qui offense le plus... au contradicteur, en insultant sa mère. Ta mère c'est ceci, ta mère c'est cela, ton père c'est ceci, ton père c'est cela. En disant cela, cela revient contre toi. Cela revient à ce que tu insultes tes propres parents. Si celui-ci te répond. Wali azabillah. Thumma qala fi sawal 51 400 1000 1451 question. Hal yanfa istighfar al-walad li walidihi? Est-ce que maintenant la demande de pardon de l'enfant pour son père est-elle profitable? On dit na'am. Cela l'aide à ce que il monte en degré dans le paradis. Et là, on parle du muslim. Comme dans le hadith d'Abi Huraira, radiallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, inna rajula la yarfa'u darajatuhu fil jannah fayakul anna hada fayakul bistighfar walidaki ou walidaka laka. Rao Ahmed. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme se trouve au paradis et qu'il se voit monter en degré sans savoir pourquoi. Il dit comment cela se fait? Il dit cela te vient de la demande de pardon de ton enfant pour toi. Donc là, c'est parmi les fruits de donner une bonne éducation à son enfant. D'accord? Ce sont parmi les choses qui aident à profiter après la mort. Ce sont justement l'invocation d'un enfant pieux, une science qui est profitable pour les gens, et une sadaqa jariya, une aumône courante. Donc là, ton enfant, tu l'as éduqué sur le bien, sur la droiture, c'est un muslim, un croyant, il invoque pour toi que Allah te pardonne. Cela t'apporte une élévation en degré dans le paradis. ثم قال في السؤال 52 و400 و1000 1452e question. هل يجوز أن يستغفر لوالده وَقَالِبِهِ إِذَا كَانَ مُشْرِكَ. Est-il permis maintenant de demander le pardon, 1452e question, pour le père ou les parents, d'accord, ou son proche, des proches de sa famille, si jamais ce sont des associateurs, des mouchriquines, des mécréants. Ce n'est pas permis, comme a dit Allah Ta'ala, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى. Qu'il ne revient pas aux prophètes ni à ceux qui ont cru de demander pardon pour les mouchriquines, même s'ils étaient des proches parents. Sur le Tawbah, le repentir, verset 113. Donc maintenant, demander pardon. Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle a demandé à ce qu'il invoque pour sa mère, et cela lui était interdit, car sa mère était morte, arrive sur le shirk, et son père kazalik. Thumma qal, fi su'al arabi, wa hamsinu arba'mi wa alf, 1454e question, uzkur ba'd adab allati yanbaghi at-tahalli biha ma'al ab. Il dit, cite certains comportements dont il faille se garnir avec le père. Avec le père. Donc parmi ces comportements, il y a, mathalan, le fait, premièrement, de ne pas l'appeler par son prénom, mais de l'appeler par al-ubuwa, par le fait qu'il est ton père. Par exemple, en français, ils vont dire papa. En français, c'est comme ça qu'on dit. Ou cher père. D'accord ? Ou dans les langues, chacun dans leur langue, ils appellent leur père comme il se doit. Et en arabe, c'est abi, ou ya abati, ou ya abata, ou akada. On l'appelle comme cela. On l'appelle pas par son prénom. Le fait de ne pas le devancer dans la rue lorsqu'il marche. Tu marches derrière lui, tu ne marches pas devant lui. D'accord ? Tu ne le devances pas. Également, lorsque tu viens dans une assise, une assemblée, tu ne t'assois pas avant lui. S'il y a une place ou quelque chose, tu le laisses s'asseoir lui en premier, ensuite tu t'assois. De ne pas lever la voix sur lui quand tu parles. Tu ne lèves pas la voix sur ton père quand tu parles avec lui. Également, tu l'honores en lui faisant des dons. D'accord ? Tu lui donnes des choses, tu fais des cadeaux. Et d'avoir un visage épanoui. D'accord ? Un visage épanoui. Kazali, lorsqu'il parle, tu ne coupes pas la parole. Et tout cela, et tu l'obéis lorsqu'il te demande de faire quelque chose. Tant que c'est halal. Et là, les auteurs ne citent pas le dalil, mais ça, c'est des choses qui sont basées sur le urf, la coutume des gens. D'accord ? La coutume des gens. Maintenant, si ton père veut que tu marches devant lui, tu te dis, marche devant moi, tu l'obéis. D'accord ? Tu l'obéis. Mais là, ce sont des choses de base. Non. Et parmi les preuves du comportement envers les parents, comme encore Allah Ta'ala, وَقَدَرَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Il a dit que ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'être bienfaisant envers les parents. Que si jamais ils atteignent la vieillesse auprès de toi, l'un d'entre eux ou bien les deux, alors ne leur dis pas, ils appellent ça fille en français, c'est le fait de souffler. Et ni ne le rejette. Et donne-leur de nobles paroles. D'accord ? Et sois humble et modeste envers eux et miséricordieux. Et invoque pour eux que Allah, ô Seigneur, fait leur miséricorde, tout comme ils m'ont élevé depuis petit. Surat al-Isra, le voyage nocturne, versets 23 à 24. Donc, c'est parmi les comportements à avoir. ثم قال في السؤال الخامس وخمسين واربعمائة ألف 1455 question. إذا كان لديك أرحام يقطعونك فماذا تفعل؟ Si maintenant tu as des proches qui rompent les liens de parenté avec toi, comment dois-tu agir? Est-ce que tu dis ils me coupent alors je ne leur parle pas? Non, justement, comme dans le hadith de Abdullah ibn Omar ou ibn Amr رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت Rahimahu wa salaha. Qu'il a dit que celui qui entretient le lien de parenté, celui, lorsqu'on ses proches lui coupent ses liens de parenté, lui, il continue à entretenir ses liens de parenté, rapporté par le Bukhari. Donc, si jamais tes proches ne te parlent pas, toi, parle-leur quand même. Même s'ils ne te répondent pas et te rejettent, va vers eux quand même. Et ça, c'est une dure épreuve en cette époque. Chez beaucoup de gens, les convertis ou les gens qui sont repentis, qui ont des familles qui ne suivent pas. Par exemple, des gens, ils sont musulmans, ils sont devenus mustaqimin, alhamdoulilah, et leurs parents, eux, ne sont pas dans cette situation-là. Ils n'aiment pas la sunnah. ils n'aiment pas la salafia, soit par une chose dans leur cœur, soit par ignorance. Donc ils deviennent très durs envers leurs enfants. Ou d'autres qui sont convertis, qui ont des parents qui font la guerre à l'islam, également. Cela est très difficile. Mais c'est une épreuve, et c'est un combat, et on en tire récompense. On en tire récompense. Maintenant, les ulama disent que si le fait d'aller les voir, de leur rendre visite ou de parler avec eux amène à ce que cela cause des problèmes, alors tu te contentes, ne serait-ce que un coup de fil de temps à autre, d'accord ? Ou, kazalik, pour éviter des problèmes, mais il faut qu'il y ait un lien qui reste, un minimum qui reste. Tu n'es pas obligé d'y aller tout le temps, de rester longtemps avec eux. Si tu entends par exemple des insultes l'islam, ils parlent mal sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou dans la maison il y a des péchés, ou il y a des alikas, ou que ça amène à des conflits entre toi et ton épouse, par exemple, à cause de leur mal, minimise. D'accord ? Minimise. Mais il faut qu'il y ait un lien qui reste. Il faut qu'il y ait un lien qui reste. Car c'est un de leurs droits. Maintenant, lien de parenté, cela est en fonction des coutumes. T'as des parents, ils veulent que tu les vois presque tous les jours. T'en as d'autres une fois par semaine, ça leur suffit. D'autres une fois par mois. D'autres un simple coup de fil. Tout cela dépend de ce quoi les gens ont été habitués. D'accord ? Chacun en mesure de ce dont il était habitué. قال في سؤال السادس وخمسين واربعمائة وألف من كثرة كثرة من كثرة ما هي وصية الله في حق الجار maintenant qu'est-ce que Allah a exhorté à propos du voisin c'est le fait d'être bienfaisant envers lui et de l'honorer et de ne pas lui nuire comme dans le hadith de Ibn Omar et de Aïcha رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه que Jibril ne cessait de me recommander d'être bienfaisant envers le voisin à tel point que j'ai cru qu'il allait le faire hériter de moi. Tant il a insisté. Mutafakun alayhi. Et dans le hadith d'Abu Huraira, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyuzi jara. Wa man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyukrim dayfa. Wa man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyakul khayran aw liyaskut. Mutafakun alayhi. Qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il ne nuise pas à son voisin. Celui qui croit en Allah au jour dernier, alors qu'il honore son invité. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il se taise ou bien qu'il dise de bien ou bien qu'il se taise. Donc là, on voit bien qu'il dise qu'il soit bienfaisant envers son voisin. Quand bien même ce voisin serait un mécréant. Il a un droit de voisinage à lui rendre, d'accord, qui est le fait d'être bienfaisant envers lui, selon mesure des lois de la religion. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'aimer, s'allier à lui, ou les alikas. Non. Mais lui rend le droit que Allah Azza wa Jalla a défini. Et dans le hadith, et dans Fisu'al al-Sabi, wa khamsin wa arba'amiya wa alf, 1457e question, Biman tabda min al-jiran bil-hadiya. Maintenant, parmi tes voisins, lequel est le prioritaire à recevoir un cadeau de ta part? Dans le hadith de Aïcha, qalat, Kultu ya Rasulullah, inna li jarayn, fa ila ayyihima uhdi, qala ila akrabihima min kibaba. Rahu Bukhari. Qu'elle dit Aïcha? J'ai deux voisins. Lequel des deux est-il prioritaire, plus en droit de recevoir mon cadeau? Il a dit celui qui est le plus proche de toi. Dont la porte est la plus proche de la tienne. Donc celui qui est plus à proximité de toi, ton voisin, et prédomine sur l'autre. En premier lieu. Naam. Fanak tajbi adal al-yum. Walhamdulillah bil alamin.